Chris, avec cet album, tu vas bientôt fêter tes 40 ans. Oh mon Dieu, mon premier album jeunesse au moment où je deviens vieux. Oui, c'est peut-être pas un hasard finalement. Voilà. Et d'autre part, tu vas bientôt fêter tes 10 ans d'auteur. Également. Est-ce que donc, avec cet album, chez Dupuis, c'est pas un peu une barrière que tu passes ou un peu une pré-crise de la quarantaine? Oui, c'est peut-être une crise de la quarantaine, même si en réalité, ça serait un peu mentir sur la façon dont s'est construit le projet qui a démarré vers 2002-2003. Et même si, bien plus loin, si je voulais vraiment remonter aux origines, je rêve d'écrire ce récit de voyage dans le temps et de fabriquer, surtout créer un univers autour de voyages temporels et d'une agence qui régenterait comme ça l'histoire depuis très très très longtemps. Mais bon, les hasards ont fait que, bien que l'album est signé chez Dupuis, je crois en 2003 ou 2004, il sort seulement aujourd'hui, oui, quand j'ai 40 ans. Donc j'aurais pu être plutôt vu comme un auteur jeunesse qui aurait fait un petit peu d'adulte. Et aujourd'hui, je suis vu comme un auteur très adulte, très documentaire, machin, qui tout d'un coup vient faire de l'aventure humoristique. Alors, ça surprend pas mal de gens. En réalité, c'est inscrit dans mes gènes, je pense, de faire ce genre de récit. Là. On le voit dans tes remerciements, mais même dans le récit, c'est ultra référencé. Oui, parce que j'ai été biberonné, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, à Spirou et Tintin, mais Spirou avant tout, dans les années fin 70 et tous les années 80, etc. Donc c'est vrai que je viens des Tuniques bleues, Tiffé tondu, je viens de Valérian, même si c'était pas dans Spirou, mais enfin bon, voilà, tous ces récits-là, et que j'en ai beaucoup écrit quand j'étais ado, ce genre de choses. Je connais tout de toute cette période-là, des aventures, des héros, des façons de faire, des façons d'écrire ou de penser. C'est quelque chose qui est relativement naturel en réalité. On pourrait croire que c'est un vrai virage, alors que non. Alors les seules fois où à la limite on pouvait le voir, c'est quand je faisais mes sketchs à la remise des prix à Saint-Malo, où il pouvait y avoir un peu ce même genre d'humour, un peu la con, un peu décalé. Et aujourd'hui en bande dessinée, ben voilà, c'est la première fois où je vais développer ça, mais a priori c'est parti pour durer. Dans la plupart des albums, tu parles d'histoire, mais d'un côté, il y a toujours cette histoire, comme tu dis, aventure humoristique, et de l'autre côté, il y a toujours cette histoire qui est là. C'est carrément une passion, une drogue. Oui, là, c'est avec la bande dessinée, c'est l'autre chose qui me pétrit depuis que je suis petit. Alors, d'où ça vient, je ne peux pas trouver tant que ça d'explication, parce que je n'ai que des souvenirs d'être passionné par l'histoire toujours. Dès que j'ai su lire, je prenais des documentaires historiques aussi à la bibliothèque, évidemment, toutes les bandes dessinées historiques, mais je lisais des livres sur le jour le plus long, sur tout ce qu'on voudra, enfin, en veux-tu, en voilà. Je pense que ça vient du fait que ma famille a été très marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et que l'histoire revêtait une importance dans mon cercle familial, qu'on en parlait, que j'avais des aïeux qui avaient participé à des grands événements de l'histoire, donc tout ça doit participer quand même de ma fascination et du coup de mes interrogations aussi sur l'histoire. Un, comment la raconter? Deux, selon la façon dont on la regarde ou le bord dont on la regarde, évidemment on la raconte pas du tout de la même façon, et ça préside évidemment aux brigades du temps. Pour ces deux tomes, il est question des peuples d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est une résurgence des mystérieuses cités d'or? Je pense pas. J'ai toujours été fan des mystérieuses cités d'or, et toujours aujourd'hui, puisque je les ai repris pour mes enfants qui les adorent aussi, donc ça a pas mal vieilli du tout, contrairement à plein d'autres choses. Mais je ne pense pas, non. J'étais pas si attiré que ça par l'Amérique précolombienne ou autre. Et d'ailleurs, je me galère un petit peu à écrire le tome 2 qui est sur leur vie quotidienne et tout ça, parce que c'est une vraie civilisation que je connais assez mal par rapport à plein d'autres choses. Mais le personnage de Colombe, lui, me fascinait. L'aventure de Colombe me fascinait, et en plus c'est sans doute un des personnages les plus universellement connus, donc il était facile pour faire comprendre très vite le concept des brigades du temps au lecteur. Donc on l'a choisi comme ça, mais je pense que d'autres univers seront plus faciles pour moi à manier par la suite dans les brigades du temps. D'ailleurs, le deuxième tome est déjà en route. Ah oui, là on est à un tiers, un peu plus du tiers de ce tome 2 là. On devrait être un peu plus en avance d'ailleurs. À terme, je vais essayer de prendre un album d'avance là-dessus. Ce qui est le plus dur, c'est de nous réfréner, parce que toutes les semaines on se voit avec Bruno, on imagine une nouvelle histoire qui pourrait avoir lieu dans une époque différente. Donc là, on a déjà 60 scénarios possibles et on sait qu'on crèvera avant de les faire. Donc ça va être de la frustration un petit peu, mais bon, en même temps, voilà, c'est quand même un peu le choix des riches. Là, on va pas s'en plaindre d'avoir trop d'idées sur une aventure. Frustré de créer quand même. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Voilà, la frustration, elle doit faire partie. On sait qu'on pourra jamais tout traiter, tout mettre dans une histoire. Faut arriver à l'accepter et prendre le bon côté des choses. C'est-à-dire, oui, on va quand même pouvoir leur faire vivre un sacré paquet d'aventures si on veut, et dans toutes les périodes et les lieux possibles. Qui dit histoire dit recherche, qui dit recherche dit costume. Est-ce que c'est une autre passion, puisqu'on te voit quand même costumé en nordiste, on te voit aussi de temps en temps en agent secret? Ouais, ouais, non, j'ai toujours adoré les Mardi Gras, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours adoré me déguiser. J'estime que à peine tu te déguises, tout de suite on commence à se marrer aussi comme des baleines. On devient quelque part un autre personnage. Alors écrire, c'est aussi devenir d'autres personnages, même si on met beaucoup de nous-mêmes dans les histoires. Malgré tout, c'est écrire, c'est quand même pouvoir vivre sans vie comme on veut, hein. Et là, les Brigades du Temps me donnent cette occasion, justement, à terme, ben, d'aller au Moyen-Âge, d'aller au Western, d'aller dans l'Antiquité, dans tous les pays que l'on désire. Bruno, c'est le même plaisir qu'il va avoir. Voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir se renouveler à chaque récit comme ça, tous les deux ans pour le coup.